anticipé. Aïe, fort à anticiper. Oui, yeah. Oh, oh. On essaye un 32, mesure. Je suis pas parti au monde. I'm sorry. Don't start at one. I'm sorry. JP, your song, I follow you, hein? Ah ouais, c'est ma batterie qui est pas calme. Drum not synchro. Excusez-moi, je vais laisser ça comme ça.